C'était mardi la journée internationale des femmes de science. Si aujourd'hui la parité est actée, même un peu dépassée dans les sciences du vivant, il reste des domaines dans lesquels les femmes sont encore très sous-représentées, au premier rang desquels les mathématiques. S'il a fallu attendre 2014 pour que la médaille Fields soit remise à une mathématicienne, c'est bien l'histoire d'une mathématicienne que nous allons vous raconter aujourd'hui. Une mathématicienne de la fin du XVIIIe siècle qui a dû longtemps se faire passer pour un homme pour que ses travaux soient reconnus et que l'histoire des sciences a laissé trop longtemps dans l'ombre. Sophie Germain. Sophie Germain, la boss des maths, c'est le programme féminin qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Oui, boss sans le E à la fin pour le petit clin d'œil et pour raconter donc cette histoire. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Charton, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne, maîtresse de conférences honoraires à l'université Claude Bernard Lyon 1, ancienne présidente de l'association Femmes et Mathématiques et co-autrice avec Anne Boyer de Je suis Sophie Germain dans la collection donc Je suis chez Jacques André, éditeur. Et nous sommes en duplex du bureau de Radio France à Bruxelles avec Victoria Cantoral Farfan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse postdoctorale au sein du département mathématiques, section d'algèbre à l'université Cahus Leuven. Mais on commence, eh bien, comme chaque jour, avec l'actualité scientifique et le journal des sciences. Et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans la revue Nature avec un nouveau record d'intrication quantique par fibre optique. Et c'est une très grosse expérience menée par les chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Chine. L'étude relate l'intrication de deux nuages d'atomes qui jouent le rôle de mémoire quantique. Et cette intrication se fait par l'intermédiaire de photons qui sont échangés entre ces nuages d'atomes. Ces deux nuages d'atomes ont été connectés sur une distance record. Les chercheurs sont parvenus à intriquer deux mémoires quantiques sur 22 km et 50 km de câbles à fibre optique. Alors jusqu'à présent, la distance maximale entre une paire de mémoires quantiques intriquées, ce n'était que de 1,3 km. Ces résultats pourraient fournir une meilleure base pour un futur réseau de communication quantique, mais peut-on dire qu'on se rapproche d'un Internet quantique? Caroline Champenois est chercheuse au CNRS, au laboratoire de physique des interactions ionique et moléculaire à Marseille. Disons que, je dirais, des fils de 20 à 50 kilomètres, on sort du régime confidentiel où une fibre d'un kilomètre restait sur un campus universitaire. Je dirais que c'est le premier pas. Après, quand on regarde de près les caractéristiques physiques de cet échange d'intrication qui permet vraiment de dire qu'on a réalisé des mémoires quantiques, on est encore loin d'un vrai réseau qui sera opérationnel. La probabilité de réussite de l'expérience, elle est encore très faible. La durée avec laquelle cette mémoire quantique est capable de stocker en elle ses propriétés est encore très courte. Mais il existe des pistes pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est-à-dire qu'a priori, la faible durée de cohérence des atomes, ce genre de phénomène, on sait pouvoir l'augmenter. Il y a d'autres points qui peuvent paraître plus critiques. La limitation par les fibres optiques est quelque chose qu'a priori, on ne saura pas battre. Je pense qu'un des ingrédients de l'expérience de cette équipe chinoise qui a permis de prolonger le transfert sur des longueurs de fibres, c'est la capacité de transférer les photons d'une longueur d'onde qui était celle qui convient aux atomes. Ils l'ont transféré à une longueur d'onde qui convient à une bonne transmission dans une fibre optique. Et ça, c'est une des briques de cette expérience qui, je pense, a été assez significative pour obtenir des résultats si forts. Mais si on regarde de près les données, qui montrent des résultats déjà très beaux, on voit dans la légende que ces données correspondent à presque 500 heures d'expérience accumulées sur 30 jours. Donc vous voyez, on n'est pas encore à un réseau opérationnel qui va fonctionner de façon autonome. On est vraiment dans des démonstrations de principes, mais qui sont très encourageantes. Voilà, comme chaque jour, on vous met le lien vers l'étude publiée dans Nature, ainsi que un certain nombre de liens de vulgarisation sur le fil Twitter de l'émission, @la méthode FC. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Science Advances, 4 populations ouest-africaines porteraient des gènes d'un hominidé archaïque non identifié. L'ADN d'un hominidé fantôme. Les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont comparé 405 génomes de populations ouest-africaines, Yoruba et Mende, avec des génomes néandertaliens et denisoviens. Les résultats montrent qu'ils ont hérité d'un patrimoine génétique qui n'est ni néandertalien ni denisovien. Ils sont porteurs de 2 à 19% d'un matériel génétique d'une population fantôme. Selon les chercheurs, cet hominidé mystère a très probablement divergé des ancêtres des néandertaliens, des denisoviens et des humains modernes entre 1 million et 360 000 ans. Cette découverte trouble encore un peu plus notre connaissance des différentes branches du genre Homo. Une étude parue dans Neuron vient d'identifier un réseau de la conscience chez le singe, le thalamus central latéral. Depuis longtemps, on suspecte cette zone d'être l'un des sièges de la conscience. Des neurologues américains ont examiné des macaques éveillés, endormis et anesthésiés. Sous anesthésie, les chercheurs ont activé cette zone avec des électrodes de stimulation cérébrale profonde. Les animaux se sont alors réveillés avec une activité neuronale similaire à l'état de veille. Et lorsque la stimulation électrique était interrompue, ils redevenaient alors inconscients. Les auteurs de ce papier pensent que cette découverte pourrait être utile pour des patients qui souffrent de troubles de la conscience ou pour sortir des personnes du coma. Et enfin, selon une étude parue dans Plus One, le gaspillage alimentaire est nettement pire que prévu. Et selon ce papier, chaque personne dans le monde jette en moyenne 500 calories de nourriture par jour. C'est 2 fois plus que dans les dernières estimations. Il existe un peu de données sur le gaspillage alimentaire, donc cette équipe néerlandaise a dû en faire la déduction. Elle a comparé la quantité de nourriture produite grâce aux données de l'ONU, la quantité de nourriture consommée grâce aux données de l'OMS sur la masse corporelle de 63 pays, et enfin elle a utilisé les données de la Banque mondiale. L'étude montre aussi que le gaspillage alimentaire augmente selon le niveau de richesse des pays. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine avec une partie du journal de la science-fiction. Quel mot résume le mieux le contexte social et scientifique dans lequel Sophie Germain, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, a entrepris sa carrière scientifique? Que ceux du mathématicien allemand Carl Gauss, avec lequel elle entretint une relation sous un nom d'emprunt masculin, au moment où Gauss se rendit compte que son interlocuteur était une interlocutrice. Je vous les cite. Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé, Monsieur Leblanc, en cet illustre personnage qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine à croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres est fort rare. On ne s'en étonne pas, les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe, qui par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ses recherches épineuses, c'est néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché. Il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur. Je vous laisse un commentaire libre sur cette lettre de Gauss, Christine Charton. Merci beaucoup de l'avoir citée, parce que c'est une lettre très importante, hein, qui montre la reconnaissance finalement que Gauss a apporté à ses travaux, indépendamment qu'elle soit un homme ou une femme. Et ça, ça a été dans la correspondance qu'il y a eu, qui s'est interrompue, hein, qui n'a pas toujours, puis qui n'était pas très très fréquente, on est à l'époque. Il y a une dizaine de lettres, mais on va évidemment y revenir. Voilà, mais Gauss a admiré ce qu'elle a fait, et donc c'est une preuve de l'intérêt des travaux de Sophie Germain, hein, évidemment. Victoria Cantoral-Farfan, non seulement Gauss reconnaît la valeur des travaux de Sophie Germain, mais il lui reconnaît aussi la difficulté d'effectuer ses travaux en étant une femme à l'époque, c'est-à-dire ce tournant du XVIIIe et du XIXe siècle. Oui, bien évidemment. Et surtout, c'est intéressant de remarquer qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas participer à l'école, par exemple l'école polytechnique. Et du coup, Sophie Germain a dû se procurer des cours d'analyse, par exemple, de Lagrange, pour pouvoir être, de façon autodidacte, capable de répondre à toutes les questions comme ses collègues mâles. On va revenir évidemment hein, sur la difficulté de faire d'avoir un parcours scientifique en étant une femme à cette époque. Ce qui est intéressant peut-être, Christine Charton, c'est de voir que les travaux de Sophie Germain sont finalement restés méconnus jusqu'à une période assez récente, c'est-à-dire que il y a la difficulté d'avoir une carrière scientifique en tant que femme à cette époque, et puis ensuite il y a l'histoire des sciences qui balaye, qui oublie, qui laisse de côté une partie de ces travaux qui sont pourtant des travaux importants. Oui, c'est un fait. C'est un fait qu'il est difficile d'expliquer, sinon par le fait qu'on, très souvent dans l'histoire, on a rendu les femmes créatrices invisibles. On est obligé de passer par ce biais-là, parce qu'il y a des travaux importants. C'est la première femme qui remporte un prix de l'Académie des sciences ou de l'Institut, le nom a changé. C'est absolument remarquable sur un travail qui est celui des surfaces vibrantes, où là aussi elle est pionnière, et néanmoins personne ne la connaît. Moi d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais parmi mes collègues à l'université, la plupart des gens, s'ils n'étaient pas algébristes ou théoriciens des nombres, ne connaissaient pas le nom de Sophie Germain. Alors à Paris encore, vous avez un lycée Sophie Germain. Une rue Sophie Germain dans le 14e arrondissement. Oui, aussi, il y a des endroits où c'est pas le cas. Par exemple à Lyon, Sophie Germain n'est pas connue, même du milieu mathématique. Bon, je pense qu'en quelques années, ça a changé. Mais il y a effectivement une invisibilité de ses travaux, de sa personne. Il y a eu pourtant quelques écrits, notamment ces écrits philosophiques qui ont été publiés, mais je crois qu'on a redécouvert très récemment un certain nombre de manuscrits qui ont aussi mis en lumière finalement l'ampleur et la profondeur de ses travaux, qui ont donné justement un peu plus de matière pour comprendre jusqu'où Sophie Germain avait pu aller dans ses travaux et sa pensée mathématique. Oui, mais même au 19e, notamment les positivistes et les disciples d'Auguste Comte, et en particulier un type qui s'appelle Stupuis, ont beaucoup fait pour la promotion de sa pensée, en particulier de ses écrits philosophiques. Mais, bon, vous avez raison de le signaler, hein, on est en train d'en reparler, mais ça reste peu connu. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y a 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de Sophie Germain tout au long de cette heure en compagnie de Christine Charton et de Victoria Cantoral Farfan qui est avec nous en duplex de Bruxelles. Alors peut-être qu'on peut faire pour commencer, Victoria Cantoral Farfan, un peu de contexte historique et scientifique en cette fin du 18e siècle. Sophie Germain va naître en 1776. Vous l'évoquiez à l'instant, en 1776, il n'y a pas d'éducation scientifique pour les femmes en France. Oui, en effet. Merci de le préciser à vous. Et donc, ce qu'elle a fait, en fait, à l'âge de 13 ans, c'est qu'elle a commencé à travailler de façon totalement autodidacte grâce à la bibliothèque de ses parents. Donc, elle lisait, en fait, les écrits de Bezout, et c'est comme ça qu'elle a commencé à apprendre un peu plus d'arithmétique. Et quand elle avait plutôt 18 ans, comme vous l'avez évoqué, elle travaillait avec les cours de l'école polytechnique sous le nom d'Auguste Leblanc. Et elle a commencé à échanger également une correspondance avec Lagrange. On va examiner hein, justement cette biographie de manière un petit peu chronologique, mais peut-être Christine Charton un peu de contexte. Quels sont à cette époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, il faut préciser qu'on est à quelques années de la Révolution française, qui est quand même un énorme bouleversement. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots du contexte social, du contexte scientifique dans lequel Sophie Germain arrive. Non, je crois pas être suffisamment capable de parler de ça, mais je peux parler du contexte de l'éducation. Bien sûr, je vous en prie. Et surtout de l'éducation des filles, c'est-à-dire non seulement il n'y a pas d'enseignement scientifique, mais il n'y a pas d'enseignement du tout. Sinon, dans les couvents, les établissements religieux, où il s'agit de cours de religion et de broderie, en un mot, la question de l'éducation des filles, c'est apprendre à être une bonne mère de famille, une bonne épouse et une mère de famille. Donc il n'y a pas d'éducation. En particulier dans une fille de la bourgeoisie, ce qui est le cas de Sophie Germain. C'est pas une fille de la noblesse. Sans doute serait-elle dans la noblesse, elle aurait eu un précepteur. Mais on n'est pas à ce niveau social, et donc elle n'a que d'autres choix, et elle va montrer un courage et une obstination tout à fait remarquables en travaillant toute seule. Hein, à tel point même que ses parents trouvent que c'est pas possible. Elle va se faire mal aux yeux. C'est pas le destin d'une fille de se fatiguer ainsi à apprendre les mathématiques, puisqu'elle va avoir le bouquin de Bezou. Elle va travailler sur l'histoire des mathématiques de Montucla, où là, elle lit l'histoire d'Archimède, hein, qui, lorsque les Romains envahissent Syracuse, ben, il est tellement plongé dans ses réflexions mathématiques que le malheureux va être assassiné. Elle se dit, si on est capable de mourir pour une telle science, c'est que cette science en vaut le coup. Mmh. Et cette image restera. Victoria Cantor Alfarfane, donc effectivement, contexte d'une famille bourgeoise. Alors effectivement, la légende dit ou raconte que, puisque Sophie Germain reste chez elle, notamment à cause du contexte politique, hein, il est dangereux de sortir dans les rues, le contexte révolutionnaire, elle va travailler dans la bibliothèque familiale et son père serait venu lui retirer les bougies la nuit pour l'empêcher d'étudier de nuit, effectivement, de s'abîmer les yeux, parce que ce n'est pas ce qu'une jeune fille doit faire. C'est vrai ou c'est une légende ? Oui, en effet, bon, c'est ce qu'on lit en fait dans la littérature, en tout cas. On ne pouvait pas être sûr de la vérité, mais ce qu'elle faisait aussi, c'est qu'elle cachait les bougies, en fait. Donc elle s'est procuré quelques bougies aussi pour travailler un peu dans la nuit. Mais il semblerait que cette année-là, l'hiver était très froid. Donc c'était assez compliqué pour elle de travailler tous les soirs. Et dans la bibliothèque paternelle, donc, il y a deux ouvrages importants que vous venez de citer. Donc, le cours de mathématiques à l'usage des gardes du pavillon et de la marine d'Étienne Bezou. D'ailleurs, c'est amusant parce que la rue Bezou est juste à côté de la rue Sophie Germain dans le 14e arrondissement, pour tout vous dire, pour faire un peu de géographie parisienne. Et l'histoire des mathématiques de Jean-Étienne Montucla. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces livres ? Alors, l'histoire des mathématiques, on comprend bien, mais par exemple, dans ce cours de mathématiques d'Étienne Bezou, à quelle mathématique s'abreuve, en quelque sorte, Sophie Germain ? Qui veut répondre ? Christine Charton ? Ah, ou non, mais allez-y, Victoria Cantor Alfarfane, je vous écoute. Donc, c'est bien un cours d'arithmétique, en fait, de Bezou. Donc, peut-être Christine voudrait bien rajouter quelques informations. Non, je ne suis pas capable de rentrer plus dans les détails, mais néanmoins... Très vite, Sophie Germain va trouver que c'est des mathématiques dépassées. C'est des mathématiques du passé, d'ailleurs, évidemment, puisqu'elles figurent dans un livre, et à l'époque, quand même, on publie moins vite qu'aujourd'hui. En plus, il n'y a pas de revue électronique. Donc, c'est ça qui va accélérer son désir d'aller voir les mathématiques contemporaines, d'utiliser ce nom d'emprunt de Leblanc pour se procurer les feuilles de problèmes et de discussions de l'École Polytechnique. Et elle va correspondre avec Lagrange, qui va remarquer la pertinence et la qualité de ses remarques et de ses travaux. L'histoire dit qu'elle est immédiatement attirée par la théorie des nombres. Alors peut-être que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est la théorie des nombres et de quoi on parle exactement, Victoria Cantor Alfarfane. Donc ça, c'est une très bonne question. Donc... Une des bases importantes de la théorie des nombres, c'est par exemple les nombres premiers. Et donc Sophie Germain, c'est que ses travaux, elle est beaucoup plus intéressée sur les nombres premiers. Notamment, elle crée ce qu'on appelle maintenant les nombres premiers de Sophie Germain. Donc je voudrais bien rappeler qu'un nombre premier est un nombre qui est divisible par lui-même ou par 1. Donc voilà. Alors on reviendra évidemment tout à l'heure à cette question des nombres premiers de Sophie Germain. On va revenir parce que c'est effectivement important. On va parler du théorème de Fermat, sa résolution, puisque ça fait partie de ses apports principaux. Effectivement, vous le notiez, Christine Charton, Sophie Germain va vouloir se procurer les cours de l'École Polytechnique. En quoi consistent ces cours et par quel stratagème passe-t-elle pour pouvoir y avoir accès ? Alors, on ne sait pas exactement comment elle a appris que l'élève Leblanc qui était inscrit ne venait plus à l'école. En tout cas, on n'a trouvé absolument aucun document qui l'explique. Mais elle le fait, donc elle va utiliser son imprimante, ce qui va lui permettre d'intervenir. À l'époque, il y a des formes très modernes pour l'époque de travail avec les étudiants. Et donc, des feuilles de discussion et de problèmes qui sont distribuées. En un mot, c'est une pédagogie beaucoup plus active qu'ailleurs. Et donc, elle va travailler sur écrire à Lagrange, travailler sur les problèmes qu'on propose, faire des remarques. Et donc, elle est remarquée à ce moment-là par le grand mathématicien de l'époque, et encore aujourd'hui, Lagrange. Alors, justement, qu'est-ce qu'il y a dans ces cours d'analyse de Lagrange ? Qu'est-ce qu'étudie exactement Sophie Germain à ce moment-là ? Peut-être Victoria Cantor Alfarfane ? Sur ces cours d'analyse de Lagrange ? Donc c'est un cours d'analyse en fait qui a permis ensuite à Sophie Germain de s'intéresser sur les surfaces élastiques en fait. Donc c'est, j'imagine, c'est un cours de base d'analyse assez poussé à l'époque et voilà. Alors effectivement, comme le note Christine Charton, la supercherie va être démasquée parce que on a besoin en fait, il faut rendre comme des espèces de compte rendu en fait de lecture de ces cours, d'apprentissage, c'est cela ? De résolution des problèmes, de remarques hein, aussi sur les questions posées, c'est-à-dire être non seulement résoudre, mais être actif dans la vision du sujet scientifique proposé. Hein. Donc elle va se montrer particulièrement active sur ce sujet. Hein. Quels sont les liens qu'entretiennent Sophie Germain et Lagrange à ce moment-là, justement ? Ce sont des liens épistolaires Épistolaires, oui. Mm-hmm. Et une fois, ils vont se rencontrer. Donc quand ils se rencontrent, elle se dit que... ça va mal tourner, mais pas du tout. Au contraire, Lagrange va être très admiratif lui aussi. Il y a un autre ouvrage qui est essentiel dans cet apprentissage de Sophie Germain, c'est l'ouvrage, l'essai sur la théorie des nombres de Legendre en 1798. Ah oui, il va beaucoup l'influencer. Je crois que c'est là, d'ailleurs, qu'elle va lire, qu'elle va connaître le fameux théorème de Fermat. C'est ça. Peut-être Victoria Cantoral-Farfane, justement, c'est d'ailleurs Legendre hein, qu'elle va rencontrer, qui va inviter Sophie Germain à s'intéresser aux travaux de Gauss. Quels sont-ils, ces travaux de Gauss ? Sur quoi travaille-t-il exactement ? Oui, donc ça c'est très, très intéressant. Donc, commençons par Legendre. Donc, il y a aussi quelque chose d'important à tirer des nombres au début, c'est la réciprocité quadratique, en fait, qui est discutée dans cet essai sur la théorie des nombres. Et les travaux de Gauss, en fait... c'était beaucoup plus sur les congruences modulo un entier ou un premier, et c'est cette congruence, en fait, cette arithmétique que l'on appelle, qui sera très importante à développer lors du théorème de Sophie Germain et la conjecture de Fermat, maintenant connue comme théorème de Fermat-Weyl. Vous pouvez peut-être nous dire un mot de ce que c'est exactement que cette congruence de Gauss, parce que ça va être effectivement important pour comprendre ensuite le théorème de Fermat et la suite des travaux de Sophie Germain. Bien sûr, donc quand on parle de nombres congruents, par exemple, si on voudrait calculer 5 congrues à 3, par exemple, donc si on veut faire des congruences, en fait, on dirait que, par exemple, 5 est égal à 3 plus 2. Désolée, excuse-moi. donc, par exemple, 8 est congrué à 3 modulo 5. D'accord. Voilà, ce qui est plus clair, peut-être un mot, Christine Charton, à ce propos, sur les congruences de Gauss. Non, je voulais seulement en préciser. Voilà. Oui. En fait, 8 est congru à 5 modulo 3, parce que 8 moins 5 égale 3. Voilà. Merci. Ou un multiple de 3. Et du coup, Sophie Germain va commencer à entretenir une correspondance avec Gauss. Elle lui a envoyé une première lettre. Il y en aura 10 en tout. La première lettre date du 21 novembre 1804 et elle est signée Leblanc. Et c'est dans cette lettre qu'elle va commencer précisément à s'attaquer au théorème de Fermat. Oui, et je crois que là, en fait, elle s'intéresse, elle écrit à Gauss parce qu'elle est Elle a lu hein, Discussiones Mathematicas. Évidemment, elle a appris le latin hein, toute seule. Tout ça est publié en latin, les ouvrages de Gauss. Et elle a découvert les congruences. Et elle pense que là, il y a un outil extrêmement important pour avancer en arithmétique en général et sur la question du théorème de Fermat. Donc c'est une des raisons pour lesquelles elle écrit à Gauss. Alors, il va falloir, puisqu'on parle de ce théorème de Fermat, il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit exactement. C'est quoi ce théorème de Fermat ? Qui était Fermat et pourquoi est-ce que ce théorème est si important ? Puisque quelques années après cela, l'Académie des sciences, l'Institut, va proposer un prix justement pour quiconque réussira à trouver des solutions à ce théorème. Alors, Fermat, c'est un mathématicien du XVIIe siècle. Hein, et en 1630, donc... Il sur une page d'un registre des comptes, parce que pareil, il est mathématicien, mais aussi il a d'autres fonctions, il va écrire ce qui est aussi une conjecture. Quand on dit théorème de Fermat, bon, il prétend l'avoir prouvé dans des cas particuliers. Alors, quel est l'énoncé de ce théorème ? C'est assez simple. Hein. Si on a un nombre n au moins égal à 3, donc éventuellement 4, 5, etc., on ne peut pas trouver trois nombres x, y, z, tels que x à la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n. Voilà. Donc si, alors, on traduit en changeant n par un nombre, c'est-à-dire par exemple x au cube plus y au cube égale z au cube, etc. Néanmoins, du coup, évidemment, le problème c'est que moi on m'a appris à l'école que ça marchait avec les carrés, ça. C'est pour ça que j'ai bien dit n au moins égal à... parce que c'est Pythagore et que dans le cas de Pythagore, on dit qu'il y a une infinité de solutions, hein, puisque 4, 3 et 5 font une solution. Pourquoi ? Parce que 4 au carré, 16, 3 au carré, 9, 16 plus 9 égale 25, qui est 5 au carré. C'est 2 au carré, hein, c'est pas 4 au carré. 2 plus 3 au carré, 2 au carré plus 3 au carré égale 5 au carré. Ah bon, c'est le carré de l'hypoténuse. Alors merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis décidément très troublée. 25, mais non, 25, c'est bien 5 au carré. Oui, c'est ça. C'est 2 au carré plus 3 au carré égale 5 au carré. Vous avez raison, j'ai fait une erreur. Merci beaucoup. C'est toujours... on fait des mathématiques facile, à la radio, ça marche. Mais non, mais vous inquiétez pas. Et donc, du coup, ce que dit le théorème de Fermat, c'est que si ça marche pour le carré, puisque c'est Pythagore, en revanche, ça ne marche pour aucun des exposants supérieurs. Tout à fait. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut résoudre, en fait, ce théorème de Fermat? Qu'est-ce qu'il faut apporter comme preuve? C'est-à-dire que l'idée, c'est de démontrer que ça ne marche pour aucun exposant. Oui, tout à fait. Alors, ça avait été résolu assez vite. D'abord, Fermat prétendait, mais sa preuve était illisible, hein, sur le côté dans la marge d'un bouquin, l'avoir résolu, je crois, pour 3. Je ne suis pas sûre, ou pour 5. On n'a jamais compris sa preuve. Il a été, au 18e, si je ne me trompe pas, résolu pour n égale 3. Hein, et quand même, il a fallu attendre la fin du 20e siècle pour qu'il y ait une solution, qui est celle de Wiles. Alors, quel est l'intérêt? C'est tout le problème des mathématiques, et en particulier de l'arithmétique. C'est des énoncés extrêmement simples, mais que la curiosité, et un mathématicien avait dit l'honneur, donne envie de résoudre. Victoria Cantoral-Farfan, justement, sur ses premières lettres de Sophie Germain à Gauss, elle s'attaque à ce fameux théorème de Fermat. Quels sont ses postulats? Qu'est-ce qu'elle écrit à Gauss? Et pourquoi est-ce que, justement, cette première lettre va attirer l'attention du mathématicien allemand? Donc, sur Sophie Germain, en fait, si on peut revenir un peu sur Fermat avant. Je vous en prie. Donc, il a lu, en fait, la version gréco-latine des arithmétiques de Diophante, qui est un mathématicien du 3e siècle. Et en fait, les solutions qu'on voudrait trouver, c'est les solutions entières, en fait. Et ça, c'est important. Car en géométrie arithmétique, en fait, on s'intéresse à l'ensemble des solutions, soit entières, soit rationnelles, d'une équation qu'on appelle une équation de Foncienne. Donc, par exemple, celle que Christine a énoncée, x à la puissance n plus y à la puissance n égale à z à la puissance n, est une équation de Foncienne. Et trouver des zéros de ces équations, c'est très important en géométrie arithmétique. Donc, ce que Sophie Germain a proposé, c'est non pas de prouver pour tout entier n, mais se réduire au cas des nombres premiers. Et non pas au cas de nombre premier, sinon au cas de nombre premier dit de Sophie Germain. Donc ça, c'est sa contribution, c'est une de ses contributions en direction du théorème de Fermat. Allez-y, je vous en prie, oui. Donc par exemple, comme Christine l'a dit, le cas n égale à 3 a été prouvé par Euler en 1753. Fermat, ce qu'il avait écrit sur la marge de cette arithmétique de Diophante, c'était qu'il pouvait le prouver pour n égale à 4. Et c'était le cas. Et donc, il suffit maintenant, à la place de prouver pour tout entier n, de prouver pour tout nombre premier p, plus grand ou égal à 3, ou bien plus grand que 3, en fait, tout simplement. Mmh. Et donc, ça, c'est intéressant, parce que on sait que tout entier n s'écrit comme un produit de puissance de nombre premier. Donc, il suffit à présent de le prouver que pour un seul nombre premier. Et je précise d'ailleurs que je vous ai embrouillé tout à l'heure, Christine Jarton, mais c'est bien vous qui avez raison, c'est 3 plus 4. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré, et pas du tout 2. C'est moi qui me suis complètement emmêlé les pinceaux. Mais évidemment, c'est plus facile quand on l'écrit, et là, quand on est à l'oral, c'est moins facile de se le représenter. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir dans quelques minutes, c'est que Sophie Germain commence à travailler sur ce théorème de Fermat, et puis elle va passer à autre chose, elle va le laisser de côté, avant d'y revenir dans une lettre qui sera une lettre très importante à Gauss, dont on reparlera tout à l'heure, en 1819, après 10 ans de silence, où elle reviendra, et c'est à ce moment-là qu'on pourra évoquer ces fameux nombres premiers de Sophie Germain. Mais entre-temps, elle va s'intéresser à ce problème des plaques vibrantes dont nous allons parler dans un instant. On raisonne en mondes abstraits. On ordonne les nombres et signes. Tout s'aligne et c'est parfait. Ici rien n'est triste. Harmonie et musique. Existe mathématique. En mathématique. En mathématique. On raisonne en mondes abstraits où personne ne trompe ou triche. L'intrigue, c'est parfait. Ici, rien n'est triste. Harmonie et musique. Ici, Dieu existe. Mathématique. Mathématiques de Mustang sur France Culture à 16h33. Nous parlons non seulement de mathématiques, mais nous parlons de mathématicienne et de Sophie Germain, très précisément, tout au long de cette heure, en compagnie de Christine Charton, qui est mathématicienne elle-même, maîtresse de conférence honoraire à l'université Claude-Bernard-Lyon 1, et en duplex de Bruxelles avec Victoria Cantoral-Farfan, qui est chercheuse postdoctorale au sein du département mathématiques, section d'algèbre à l'université Cahul-Leuven. Alors, avant de revenir à ces fameux nombres de Sophie Germain, ces nombres premiers, Sophie Germain va effectivement changer de voie et s'intéresser à un autre phénomène, un autre problème qui lui vaudra, et on y reviendra, le premier prix de l'Académie des sciences jamais décerné à une femme en 1816. Ses travaux donc portent sur ce qu'on appelle les figures de Chladni, autrement appelées plus facilement peut-être les problèmes des plaques vibrantes. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et c'est ce que vous êtes allé faire vibrer des plaques. Oui, à défaut de faire tourner les tables, et j'ai assisté à une expérience visuelle et sonore assez fascinante. Je suis allé à la rencontre de Camille Fadel, qui est directeur du département physique du Palais de la Découverte, et il m'a fait la démonstration de la formation de ces figures géométriques dites figures de Chladni. Pour le dire vite, si on dépose une fine couche de sable sur une plaque, carrée par exemple, et que l'on fait vibrer cette plaque à l'aide d'un archet, le sable se rassemble et forme des lignes et des figures géométriques nettes aux endroits où la plaque ne vibre pas. Mais il y a plus, si on fait vibrer la plaque avec l'archet à un autre endroit, une autre figure se forme. Sophie Germain s'est donc attaquée à ce problème physique en mathématicienne et Camille Fadel nous explique comment. Et pour accompagner ce reportage, je vous propose d'aller voir maintenant la vidéo sur Twitter que j'ai réalisée de ce phénomène qui ressemble au tour de magie, ou bien après l'émission sur notre site internet. On se trouve devant trois plaques en laiton. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle les figures de Chladni. Lorsqu'on étudiait, les physiciens ont commencé à étudier les vibrations des plaques, on a cherché à visualiser la vibration de ces plaques. Et une personne qui a eu l'idée de rendre un peu plus visible, on va dire, il s'appelle Chladni, c'est un Allemand. Et son idée, c'était de verser sur les plaques un petit peu de sable, de passer un archet sur les plaques, et de voir où le sable s'accumule. Ces endroits-là sont des endroits où la plaque ne vibre pas. Alors là, on a trois plaques qui sont fixées en leur centre, trois plaques de tailles différentes, et on va voir que la question de la taille et de l'épaisseur de ces plaques compte pour l'apparition des figures. Voilà, tout à fait. On va voir que la même figure reproduite sur ces trois plaques ne va pas correspondre au même son. Donc là, on va avoir en fait une image du son. En quelque sorte, d'ailleurs, lorsque Chladni montre son expérience au jardin de Tuileries à Napoléon. Napoléon dit c'est incroyable, cet homme nous fait voir le son. Alors du coup, là, je vais prendre une plaque carrée qui fait à peu près 20 cm de côté. C'est une plaque carrée. Et elle est fixée par son centre à l'aide d'une vis. Et de ce fait, le centre de la plaque ne pourra pas bouger. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on va voir qu'il y a d'autres endroits de la plaque qui ne vont pas bouger, qui ne vont pas vibrer. Ce sont justement les endroits où le sable ira s'accumuler. Du coup, je verse un petit peu de sable très fin. C'est du sable de Fontainebleau sur la plaque. Et je vais maintenant placer l'archet sur un des bords de la plaque. Et je vais tirer l'archet vers le bas. Et grâce à cela, la plaque va entrer en vibration. On va entendre un son. Et simultanément, une figure de Chladni va apparaître sur la plaque. On y va ? Oui, une magnifique figure. Superbe figure. Alors, est-ce qu'on peut la décrire ? Il y a un cercle et puis ? Oh là, il y a plein d'arcs de cercles qui apparaissent un petit peu partout sur la plaque. L'essentiel de la plaque, ce qu'on peut voir, c'est que le sable, finalement, ne couvre que de faibles régions. Ce sont des lignes courbées qui apparaissent. La majeure partie de la plaque vibre, sauf aux endroits où le long de ces lignes, où le sable s'est accumulé, ça ne vibre pas. Alors, la chose intéressante, c'est que de part et d'autre d'une ligne immobile, les mouvements s'effectuent en sens opposé à un instant donné. Ça veut dire que si, par exemple, cette partie de la plaque est en train de monter à un instant, au même instant, de l'autre côté, si on franchit la ligne, la plaque est en train de descendre. Et du coup, si ensuite on arrive de nos jours on arrive à le faire, avec un ordinateur, avec des images de synthèse, on arrive à du coup visualiser, voir comment la plaque est réellement en train de vibrer. L'endroit où l'on place l'archet a une grande importance pour ce qui va se dessiner sur la plaque. Tout à fait, parce que vous voyez là déjà, on voit des lignes immobiles qui aboutissent à certains endroits au niveau des bords de cette plaque. Et il est évident que si maintenant je prends l'archet et je place l'archet là où une ligne immobile aboutit, si je fais vibrer cet endroit-là précisément, bah forcément ça sera une autre figure. Donc du coup, ça sera un autre son. Alors est-ce qu'on peut voir ? Alors je vais placer justement l'archet ici. Et vous voyez ? La figure a complètement changé. La figure a complètement changé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé en même temps deux doigts sur la plaque, sur le bord de la plaque, et en immobilisant avec mes doigts les bords ces deux endroits au niveau de la plaque, bah, j'oblige des lignes immobiles à aboutir au niveau de mes doigts. Du coup, en quelque sorte, je favorise une certaine figure. Est-ce qu'il y a une infinité de figures possibles ? Théoriquement, oui. Dans la pratique, on va en produire une quinzaine, une vingtaine. Alors nous, on consacre notre émission de jeudi prochain à Sophie Germain. Alors est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur le rôle qu'elle a joué dans l'explication mathématique de ces figures de Chladni ? Chladni, c'est 1787. Du coup, à partir de ce moment-là, on commence à voir qu'il y a réellement des endroits de la plaque qui ne vibrent pas. La question suivante qui se pose, c'est Napoléon, qui trouve ces figures absolument extraordinaires, demande des explications. Pourquoi telle figure, etc. Et on lui répond qu'en fait, on n'a pas la solution mathématiquement, on ne sait pas prédire à l'avance les figures. Et du coup, c'est Napoléon qui propose de lancer un concours et de décerner un prix à la personne qui trouvera la réponse. Et le concours, je crois que le premier concours, ça date de 1810, 1812, quelque chose comme ça. Et Sophie Germain est une des personnes qui va participer à ce concours. Et alors, ce n'est pas le concours. Il y a eu 3-4 concours au total, quelque chose comme ça. Et Sophie Germain a été l'une des personnes qui reçoit un prix important pour avoir non pas réussi à expliquer entièrement, mais pour avoir réussi à proposer une approche et faire des premiers calculs qui permettent déjà de faire avancer la chose. Et par la suite, les gens ont repris ces idées de Sophie Germain et d'autres physiciens et qui ont avancé ça. Donc elle a eu un rôle pour initier une étude correcte. Voilà, vous avez entendu ce problème des plaques vibrantes. On vous propose évidemment de le voir. Antoine vient de poster une vidéo où vous pouvez ajouter l'image au son et aux vibrations de l'archet qui a été retweeté par le compte de la méthode scientifique @laméthodefc. Et tout ça, si vous n'avez pas Twitter, vous pourrez le retrouver un peu plus tard à la fin de l'émission via le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Une réaction peut-être simplement l'une et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Christine Charton? Oui, d'abord c'est 1809 que Napoléon lance le concours. Il était quand même très intéressé par les sciences. Et pourquoi Sophie s'y lance, hein? C'est qu'en fait elle est isolée. Elle souffre de l'isolement, de pas avoir de rapports sociaux scientifiques. Faut voir que d'abord qu'elle est une femme, donc elle peut pas. Elle est une femme de la bourgeoisie, donc il est hors de question qu'elle aille voir toute seule ces messieurs qui de toute façon la recevraient pas. Elle manque de notoriété, elle manque de reconnaissance, et c'est pour ça qu'elle. C'est une des raisons principales, outre qu'elle est intéressée par tout problème ouvert. C'est pour ça qu'elle va se lancer dans la recherche des fondements mathématiques de cette question des plaques vibrantes, hein, c'est-à-dire en deux dimensions. Le problème en une dimension avait été résolu par Euler. Victoria Cantoral-Farfan, une réaction à ce reportage et plus généralement à la contribution de Sophie Germain à la résolution de ce problème des plaques vibrantes? Oui, je trouve ça totalement remarquable. Donc, il faut aussi signaler que Sophie Germain a envoyé 3 mémoires dans les 3 différents concours. Et dans la deuxième, elle a reçu une mention très honorable. Et à la fin, le prix de l'Institut de France. Donc, aussi, il faut remarquer qu'elle n'était pas présente, en fait, lors de la remise des prix. Car quand elle a soumis ses mémoires, elle n'a pas soumis sous le nom de, bien évidemment, Auguste Leblanc, mais sous le nom de Sophie Germain. Donc, ce qui, à l'époque, posait plusieurs difficultés, en fait. Et ce qui a donné lieu d'ailleurs à ce quiproquo assez désagréable, qui est que justement au moment de la remise des prix, il a été fait mention de son absence comme quelque chose de volontaire, alors que finalement c'est parce qu'on ne lui avait pas adressé, je crois, l'invitation, Christine Charton. Et oui, parce qu'elle n'était pas l'épouse d'un académicien. Donc comme femme, elle ne pouvait pas siéger, assister aux séances de l'Académie, donc elle avait besoin d'une invitation particulière, même pour recevoir son prix, et elle ne l'a pas reçu, un quiproquo, quelque chose qui s'est passé. Et oui, elle n'était pas là, parce que les femmes ne pouvaient pas. Et d'ailleurs, par la suite, elle a continué à ne pas assister aux séances. C'est quand Fourier, qui était un ami, est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie, qui lui a permis... lui a donné la possibilité de venir siéger. Et c'était très important pour elle, parce que c'était rencontrer ses pairs. Pour les mathématiciens, et pour elle en particulier, c'est très important de discuter, que les gens discutent entre eux, confrontent leurs résultats. Oui, parce que Fourier, c'est en 1823 qu'il lui adresse ce courrier en lui proposant de pouvoir venir siéger au même titre que les autres membres de l'Institut, et non pas comme visiteuse extérieure. Peut-être qu'on peut dire également un mot, Victoria Cantoral-Farfan, sur le fait que ces travaux sur l'élasticité des surfaces font partie des travaux qui ont notamment, in fine, contribué à la construction de la Tour Eiffel, et que pourtant, le nom de Sophie Germain ne figure pas sur la plaque des 72 noms de savants qui ont honoré la France entre 1789 et 1889, qui est sur la Tour Eiffel. Oui, c'est vrai, en effet, ces travaux sont totalement remarquables, et c'est dommage... que son nom n'apparaît pas, en fait. Christine Charton? C'est une femme. On en revient au problème du départ, de l'invisibilité voulue organiser des femmes créatrices, scientifiques en particulier. Il faut quand même reconnaître que Être une femme mathématicienne, ça paraît à l'époque la pire des contradictions. On peut d'ailleurs noter, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, on va revenir à cette question du théorème de Fermat et à ses nombreux premiers auxiliaires, que de la même façon, finalement, ces résultats, en tout cas de Sophie Germain, qui sont exposés notamment dans la correspondance avec Gauss, ils apparaîtront, mais ils apparaîtront sous la plume de Legendre en notes. Oui, c'est exact. Oui. Victoria Cantoral-Farfan. Oui, donc en fait, c'est une lettre très importante, le 12 mai en fait, 1819, de Sophie Germain vers Gauss, où elle énonce un plan en fait. Et je me permets de la citer. Bien sûr. Donc, elle écrit son théorème de la façon suivante. Prenons pour exemple l'équation même de Fermat, qui est la plus simple de toutes celles dont il s'agit ici. Soit donc P étant un nombre premier, z à la puissance p égale x à la puissance p plus y à la puissance p. Je dis que si cette équation est possible, tout nombre premier de la forme 2 fois n fois p plus 1, où n étant un nombre entier quelconque, pour lequel il n'y aura pas de résidu pm puissance placé de suite dans la série des nombres naturels, divisera nécessairement l'un de ces deux nombres, d'un de ces nombres x, y et z. Alors, il va falloir nous traduire ça dans un langage un peu vulgarisé. Qu'est-ce que c'est exactement, justement, que ces nombres premiers dits auxiliaires? C'est-à-dire que, voilà, expliquez-nous un peu, justement, ce que fait Sophie Germain et pourquoi c'est important. Bien sûr. Donc, déjà, le concept de premier de nombre auxiliaire, c'est un concept qui a été introduit par Sophie Germain. Donc, ça, c'est déjà remarquable en mathématiques. Et un nombre premier P est dit être un nombre de Sophie Germain si 2 fois P plus 1 est aussi un nombre premier. Mmh. Donc, par exemple, 3 est un nombre premier. Absolument. Très bien. On rappelle, donc, indivisible par soi-même ou par 1 et c'est tout. Voilà. Mmh. Donc, 2 fois 3 plus 1, c'est 7, qui est lui aussi un nombre premier. Tout à fait. Donc, ça, c'est un exemple. Et surtout, c'est qu'on arrive au fait que si on additionne ces nombres premiers et qu'on arrive ces fameux nombres premiers de Sophie Germain, leur addition donne lui-même un nombre premier, Christine Charton. Ou Victoria Cantoral-Farfan, non? Deux nombres premiers, c'est forcément impair, donc ça donne un nombre pair. Donc un nombre pair, il ne peut pas être un nombre premier. Donc c'est peut-être pas ça que vous voulez dire. C'est parce que je suis effectivement en train de me tromper. Je pensais à la chaîne de Cunningham, Victoria Cantoral-Farfan. Oui, donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des nombres premiers qui vérifient une certaine propriété. Donc, en particulier, si on considère le nombre premier P, on dit qu'il sera un nombre de Sophie Germain si 2P plus 1, c'est un nombre premier. Donc, c'est une condition de primalité aussi. Comment et du coup ce sont ces travaux-là, Victoria Cantoral-Farfan, qui donc dans cette lettre de Gauss, d'ailleurs Gauss ne lui répondra pas. Hein, c'est une lettre qui restera sans réponse. Oui, donc en fait ce qu'elle proposait, c'est aussi de montrer le théorème de Fermat, donc la conjecture de Fermat, pour ses nombres premiers en fait. Mm-hmm. Donc ça c'est très important. Donc ça crée une version complète de son théorème qui d'ailleurs malheureusement est pas connue. C'est la version faible qui est connue en fait. Et donc, par exemple, son théorème est le suivant. Donc, si, par exemple, on prend tout nombre premier supérieur égal à 3, si il existe un nombre premier auxiliaire, comme on vient de le voir, qui satisfait deux conditions, alors, ce que Sophie Germain a prouvé, c'est que notre équation de Fermat, donc x à la puissance p plus y à la puissance p égale à z à la puissance p, s'il admet une solution, donc un triplé d'entier, alors forcément P carré va diviser un de ces éléments de triplet, donc X, Y ou Z. Mm-hmm. Donc ça c'est la version forte. Allez-y, je vous en prie. Et de la version faible, en fait, c'est un corollaire. Donc si on prend un nombre premier de Sophie Germain, alors il n'existe pas de triplet entier tel que P ne divise pas le produit de x, y, z, et ça soit une solution de l'équation x à la puissance p plus y à la puissance p égale à z à la puissance p. Christine Charton, pourquoi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans l'histoire des mathématiques ces nombres premiers de Sophie Germain sont importants? Quelle va être en fait leur postérité? je crois qu'ils sont intéressants comme tous les nombres premiers, un petit peu remarquables. Hein. Donc, pour ma part, c'est la seule raison. Entre parenthèses, on ne sait pas s'il y en a une infinité. Il y a des amis qui s'intéressent beaucoup par des calculs, quel est le plus grand nombre qu'on connaît, qu'on peut calculer aujourd'hui, qui que quoi. Mais en ce moment, d'après ce qu'on m'a dit, le plus grand nombre premier de Sophie Germain, c'est autour de 330 000 et quelques. C'est pas 330 000, hein, bien sûr, mais c'est de cet ordre de grandeur. C'est le plus grand qu'on ait su calculer pour le moment. Victor... Y en a-t-il un infini? On ne sait pas. On ne sait pas encore. Victoria, oui, c'est une conjecture. Oui. C'est une conjecture, oui. En effet, et ça serait un résultat très important, en fait. Parce que Parce qu'on sait déjà, à la base, qu'il existe une infinité de nombres premiers. Ça, c'est bien connu. Mais qu'il existe une infinité de nombres premiers qui satisfait certaines relations, ça, c'est des questions importantes, en fait. Comme le théorème de progression arithmétique, par exemple, des nombres premiers, ou en effet, cette infinité de nombres premiers de Sophie Germain. Donc cette lettre, cette fameuse lettre de mai 1819 va rester sans réponse. Ce qui est intéressant, c'est que l'Institut de France, une fois après avoir attribué le prix à Sophie Germain pour le problème des plaques vibrantes, l'Institut de France va ouvrir un nouveau prix pour précisément cette résolution du théorème de Fermat, mais Sophie Germain ne l'emportera pas, elle n'obtiendra pas de récompense pour ce prix-là. Elle va travailler dessus, mais elle va même pas vraiment concourir, hein. Elle va envoyer des copies, je crois qu'ils seront refusés, mais finalement, elle ne concourra pas vraiment pour le prix. C'est la fin de sa vie, hein. Vous savez qu'elle a un cancer du sein, hein. Elle va pendant une dizaine d'années souffrir énormément de ce cancer. Entre parenthèses, au départ, vous évoquiez la première femme médaille Field, il y a une espèce de coïncidence tragique, c'est que toutes les deux sont mortes à 40 ans d'un cancer du sein. Enfin, l'une était aux États-Unis en 2015 ou 16, dans un pays extrêmement développé. Bon, donc elle souffre beaucoup et il y a certainement un découragement de sa part. Donc elle retravaille ses papiers, elle retravaille beaucoup ses papiers sur les surfaces élastiques, mais elle ne va pas vraiment concourir. Ma connaissance. Victoria Cantoral-Farfan, effectivement, elle ne concourt pas. Je crois qu'effectivement, elle envoie effectivement malgré tout quelques papiers, mais qui sont rejetés. Oui, c'est exact. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, Sophie Germain va s'intéresser à d'autres types d'écriture, des ouvrages à portée plus philosophique ou épistémologique dans les dernières années de sa vie. Oui, en effet. Et donc je reviens aussi sur les dernières années de Sophie Germain. Donc elle s'est consacrée aussi à la publication de son article sur la recherche sur la théorie des surfaces élastiques. Donc ça c'est important. Et concernant le dernier théorème de Fermat, donc la conjecture de Fermat, c'est plutôt grâce à Legendre en fait que l'on connaît le théorème de Sophie Germain. Et récemment en fait un professeur italien Andrea Del Centina a travaillé beaucoup sur les lettres, en fait, que Sophie Germain a échangé avec Gauss, et où, en fait, on connaît beaucoup plus que ce qui est déjà écrit dans les livres, en fait, sur les travaux de Sophie Germain et sur le grand plan qu'elle avait pour prouver la conjecture de Fermat. Ce que je trouve remarquable, en fait. Christine Charton, sur ces derniers ouvrages qui seront d'ailleurs dont on a la trace et qui ont été importants parce qu'ils ont été publiés par son neveu et que ça a permis d'orienter un peu les historiens des sciences vers ces travaux de Sophie Germain. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots de ces derniers ouvrages à portée résolument plus philosophique en tout cas. Oui, c'est essentiellement des écrits qui portent sur les problèmes de la création et des rapports qui peuvent exister entre la création mathématique et la création artistique, en musique par exemple. Elle s'est beaucoup intéressée à ça. Sous quelle forme c'est pas des longs textes. C'est souvent des courts textes, des petits textes hein, qui vont être... Qui ont été rassemblés par son neveu. Qui ont été rassemblés par son neveu, voilà, ouais. C'est ça. Il y a deux volumes, un volume qui s'appelle « Considération générale sur l'état des sciences et des lettres aux différentes époques de leur culture » et un autre volume qui s'appelle « Pensées diverses ». Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que je crois, alors je parle évidemment sous votre contrôle à l'une et à l'autre, mais je crois qu'on trouve notamment dans les pensées des questionnements, des interrogations autour, par exemple, de la gravité de la gravitation, Victoria Cantoral Farfán. Vous pouvez peut-être me dire un mot là-dessus ? Oui, c'est possible qu'elle ait travaillé sur ça, mais je ne connais pas à présent une référence, en fait. Non, j'ai lu les choses, par exemple, sur la musique, mais ce n'était pas sur la gravitation. Donc là, mais elle écrit, par exemple, pas mal de choses sur la musique. C'est-à-dire en faisant des parallèles entre musique et mathématiques, en essayant de trouver des formalismes. Non, pas sur les processus de création. Pas sur les formalismes, pas du tout, à ma connaissance, dans ce que j'ai lu. J'ai pas tout lu, j'ai lu que des extraits. Victoria Cantoral Farfán, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte de consensus pour replacer Sophie Germain comme un maillon important dans l'histoire des mathématiques ? Quelle est sa place ? Est-ce qu'elle a été en quelque sorte réhabilitée ou est-ce qu'il reste encore du travail à faire pour considérer ses travaux ? C'est une bonne question. Je pense qu'il en reste du temps encore pour considérer tous ces travaux, mais c'est dans la bonne direction, c'est une bonne tendance dans tous les cas. Et déjà, les études ont été menées, et par exemple aussi, le bâtiment de l'Université de Paris 7 consacré aux mathématiques s'appelle Sophie Germain. Christine de Charton, même question pour conclure. Oui, il y a un certain chemin encore à parcourir. Pour qu'elle soit plus largement connue, au moins dans le milieu mathématique ou le milieu scientifique, et chez les jeunes. Elle est enseignée aujourd'hui dans l'histoire des mathématiques, dans les études de mathématiques ou dans les études plus générales de sciences ? De façon générale, l'histoire des mathématiques est extrêmement peu enseignée. Donc, c'est dans des formations assez spécifiques l'histoire des mathématiques. Maintenant, est-ce que j'ai personnellement pas enseigné des unités spécifiques d'arithmétique, donc j'ai pas eu à enseigner les nombres premiers de Sophie Germain. Donc je ne peux pas répondre à cette question, mais j'ai bien peur que non. Merci beaucoup. Oui, Victoria, un mot de conclusion, oui. Victoria Cantoral Farfán, je vous en prie. Dans mon concours universitaire, j'ai bien reçu une instruction sur l'histoire des mathématiques et sur les noms premiers de Sophie Germain dans le cours d'arithmétique, donc ça, j'imagine que c'est bien le cas. Donc ça veut dire qu'il y a un petit progrès. Oui, Christine Charton, vous me montrez quelque chose du doigt. Qu'est-ce que vous voulez me montrer ? C'est un tableau avec des chiffres ? Non, aucun rapport avec les nombres de premiers de Sophie Germain. Bon, ok, très bien. C'était seulement sur la place des femmes en mathématiques aujourd'hui. Et là, la situation est très, très, très mauvaise. Et je vais en profiter pour dire un mot. Ah ben, aujourd'hui, je vous en prie, allez-y. Combien de femmes sont professeurs en mathématiques pures dans l'université française ? 31 sur un ensemble de 498 professeurs en mathématiques pures. Donc il y a 31 femmes. Et si on regarde la part des femmes, eh bien elle est absolument stagnante, alors que de partout on voit des femmes dans toutes les carrières. Eh bien, espérons que Sophie Germain suscite des vocations de mathématicienne. Je vous renvoie les auditeurs à l'émission que nous avions consacrée à la place des femmes dans la science en général et dans les mathématiques en particulier, où on avait consacré effectivement un certain nombre d'émissions et notamment une émission entière à ce qu'on appelle l'effet Mathilda. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci Christine Charton. Je rappelle que vous êtes co-autrice avec Anne Boyer de Je suis Sophie Germain aux éditions Jacques André. Merci Victoria Cantoral Farfán. Merci à Angélique Boin pour le duplex de Bruxelles. Puis un mot, rue des écoles, je vous renvoie à l'émission de Louise Touret dimanche prochain qui sera consacrée à l'échec des maths, justement avec Isabelle Gallagher, qui a été prix Sophie Germain 2018 de l'Académie des sciences. Merci, vous pouvez également bien sûr vous procurer un ouvrage récemment publié à l'école des loisirs, Sophie Germain par Sylvie Daudler, si vous voulez aller plus loin dans l'histoire de cette mathématicienne. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Anthony Thomas aujourd'hui à la technique. Demain, c'est un vendredi fiction, nous irons arpenter la ville, mais celle de demain, tours immenses, hyper technologie, mais aussi surpopulation, verticalité politique, pollution et criminalité. L'histoire d'amour-haine de la science-fiction avec l'urbanité, ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.